mystère pour tous les mecs comme en cominette. Tu te mets à nu, de jour comme de nuit, et tu m'en cul. Tu te fais sodome devant la webcam sans ton condom. Tu te fais sodome devant la webcam sans ton condom. Sur ton site, ça kick en masse, ça kick en masse, ça kick en masse. C'est normal, t'es une grosse pétasse, une grosse pétasse, une grosse pétasse. Tous les mecs te le diront, hey, sexy girl, une grosse pétasse, une grosse pétasse. Tous les mecs te le diront, hey, sexy girl, une grosse pétasse, une grosse pétasse. Tu montes tes fesses, tu montes tes seins, t'es open access pour tous les voisins. T'aimes quand te mates, quand tu gâtes les cuisses, t'es cul des maths, rempli de vis. Tu montes tes fesses, tu montes tes seins, t'es open access pour tous les voisins. T'aimes quand te mates, quand tu gâtes les cuisses, t'es cul des maths, rempli de vis. Sur ton site, ça kick en masse, ça kick en masse, ça kick en masse. C'est normal, t'es une grosse pétasse, une grosse pétasse, une grosse pétasse. Sur ton site, ça kick en masse, ça kick en masse, ça kick en masse. C'est normal, t'es une grosse pétasse. Je ne parle plus, elle est sur des mégawatts. Et après, elle s'étonne de pas trouver tu adéquate. Elle trash, elle start-train et après se prépare les boys d'or. Oh, oh, tu retrouves une vie sérieuse. Elle veut toutes pas jouer des valseuses. Elles ne sont plus jalouses, le soir elle rêve de partout. Elle rêve de partout. Sur ton site, ça kick en masse, ça kick en masse, ça kick en masse. C'est normal, t'es une grosse pétasse, une grosse pétasse, une grosse pétasse. Sur ton site, ça kick en masse, ça kick en masse, ça kick en masse. C'est normal, t'es une grosse pétasse. Tu te chatouilles le clico en pensant à Booba. Eh, la veuve coquelicot s'amuse sous ses beaux draps. Mec, c'est du bon boulot. Chut, c'est la sextape, c'est la sextape. C'est la sextape, c'est la sextape. C'est la sextape, c'est la sextape. C'est la sextape, c'est la sextape. Sur ton site, ça kick en masse, ça kick en masse, ça kick en masse. C'est normal, t'es une grosse pétasse, une grosse pétasse, une grosse pétasse. Tous les mecs te le diront, t'es un sexy girl, une grosse pétasse, une grosse pétasse. Tous les mecs te le diront, t'es un sexy girl.